Le chemin de la perfection. Thérèse de Jésus, Sainte Thérèse d'Avila. Carmélite réformatrice, docteur de l'Église, 1512-1582. Avant-propos de la Sainte, lecture en synthèse vocale. Les sœurs de ce monastère de Saint-Joseph d'Avila, sachant que le Père présenté Dominique Bagneuse, religieux, de l'ordre du glorieux Saint-Dominique, qui est à présent mon confesseur, m'a permis d'écrire de l'oraison, ont cru que je le pourrais faire utilement, à cause que j'ai traité sur ce sujet avec plusieurs personnes fort spirituelles et fort saintes, et elles m'ont empressé de leur en dire quelque chose. Que j'ai résolu de leur obéir, parce que le grand amour qu'elles me portent leur fera mieux recevoir ce qui leur viendra de moi, quelqu'un parfait et mal écrit qu'il puisse être, que des livres dont le style est excellent, et qui ont été faits par des hommes fort savants en cette matière. Je mets ma confiance en leurs prières, qui pourront peut-être obtenir de Dieu, que me donnant de quoi leur donner, je dirai quelque chose d'utile touchant la manière de vivre, qui se pratique en cette maison. Que si je rencontre mal, le Père Bagneuse, qui sera le premier qui le verra, le corrigera ou le brûlera. Ainsi, je ne perdrai rien pour avoir obéi à ces servantes de Dieu, et elles connaîtront ce que je puis de moi-même lorsque sa grâce ne m'assiste pas. Mon dessein est d'enseigner les remèdes pour de légères tentations excitées par le démon, dont les personnes religieuses ne tiennent compte, à cause qu'elles ne les croient pas considérables, et de traiter aussi d'autres points, selon que notre Seigneur m'en donnera l'intelligence, et que je pourrai m'en souvenir, car ne sachant ce que j'ai à dire, je ne saurais le dire par ordre, et je crois que c'est le meilleur de n'en point garder. Puisque c'est déjà un si grand renversement de l'ordre que j'entreprenne d'écrire sur un tel sujet, j'implore l'assistance de Dieu, afin que je me conforme entièrement à sa sainte volonté, c'est à quoi tend tous mes désirs, encore que mes actions n'y répondent pas, mais, au moins, je ne manque pas d'affection et d'ardeur pour aider de tout mon pouvoir mes chères sœurs à s'avancer de plus en plus dans le service de Dieu. Cet amour que j'ai pour elles est enjoint à mon âge et à mon expérience de ce qui se passe dans quelques maisons religieuses, fera peut-être qu'en de petites choses, je rencontrerai mieux que les savants, à cause qu'ayant d'autres occupations plus importantes, et étant des personnes fortes, ils ne tiennent pas grand compte de ces imperfections qui paraissent n'être rien en elles-mêmes, et ne considèrent pas que les femmes, étant faibles, tout est capable de leur nuire, joint aussi que les artifices, dont le démon se sert contre les religieuses si étroitement renfermées sont en grand nombre, parce qu'il sait qu'il a besoin de nouvelles armes pour les combattre, et comme je m'en suis si mal défendue, étant si mauvaise que je suis, je souhaiterais que mes sœurs profitassent de mes fautes. Je ne dirai rien que je n'ai reconnu par expérience, ou dans moi, ou dans les autres, et quoique m'ayant été ordonné depuis peu de jours d'écrire une relation de ma vie, j'y ai aussi mis quelques avis touchant l'oraison, néanmoins, parce que mon confesseur ne voudra peut-être pas que vous la voyiez maintenant, j'en redirai ici quelque chose, et j'y en ajouterai d'autres qui me paraîtront nécessaires. Notre Seigneur veuille, s'il lui plaît, m'assister, comme je l'en ai déjà prié, et faire réussir à sa plus grande gloire tout ce que j'écris. Markendanvoordepresse.com, d'après Abbaye Saint-Benoît.ch, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Chapitre 1er. D'oraison qui ont porté la Sainte à établir une observance si étroite dans le monastère de Saint-Joseph d'Avila. Lorsque l'on commença de fonder ce monastère, pour les raisons que j'ai écrites dans la relation de ma vie, et ensuite de quelques merveilles par lesquelles notre Seigneur fit connaître qu'il devait être beaucoup servi en cette maison, mon dessein n'était pas qu'on y pratiquât tant d'austérité extérieure, ni qu'elle fût sans revenu. Je désirais, au contraire, que, s'il était possible, rien n'y manquât de toutes les choses nécessaires, agissant en cela comme une personne lâchée et imparfaite, quoique je fusse plutôt porté par une bonne intention, que par le désir d'une vie plus molle et plus relâchée. Ayant appris en ce même temps les troubles de France, le ravage qui faisait les hérétiques, et combien cette malheureuse secte, s'y fortifiait de jour en jour, j'en fus si vivement touché, que, comme si j'eusse pu quelque chose, ou j'eusse moi-même été quelque chose, je pleurais en la présence de Dieu, et le priais de remédier à un si grand mal. Il me semblait que j'aurais donné 1000 vies pour sauver une seule de ce grand nombre d'âmes, qui se perdaient dans ce royaume. Mais voyant que je n'étais qu'une femme, et encore si mauvaise et très incapable de rendre à mon Dieu, le service que je désirerais, je crus, comme je le crois encore, que, puisqu'il a tant d'ennemis et si peu d'amis, je devais travailler de tout mon pouvoir à faire que ces derniers fussent bons. Ainsi, je me résolus de faire ce qui dépendait de moi pour pratiquer les conseils évangéliques avec la grande perfection que je pourrais, et tâcher de porter ce petit nombre de religieuses, qui sont ici à faire la même chose. Dans ce dessein, je me confiais en la grande bonté de Dieu, qui ne manque jamais d'assister ceux qui renoncent à tout pour l'amour de lui, j'espérais que ces bonnes filles étant telles, que mon désir se les figurait, mes défauts seraient couverts par leur vertu, et je crus que nous pourrions contenter Dieu en quelque chose, en nous occupant toutes à prier pour les prédicateurs, pour les défenseurs de l'Église et pour les hommes savants qui soutiennent sa querelle, puisqu'ainsi nous ferions ce qui serait en notre puissance pour secourir notre maître, que ces traîtres, qui lui sont redevables de tant de bienfaits, traitent avec une telle indignité, qu'il semble qu'il le voudrait crucifier encore, et ne lui laisser aucun lieu où il puisse reposer sa tête. Ô mon Rédempteur, comment puis-je entrer dans ce discours, sans me sentir déchirer le cœur? Quels sont maintenant les chrétiens? Faut-il que vous n'ayez point de plus grands ennemis, que ceux que vous choisissez pour vos amis, que vous comblez de faveurs, parmi lesquels vous vivez et à qui vous vous communiquez par les sacrements? Et ne se contente-t-il pas de tant de tourments, que vous avez souffert pour l'amour d'eux? Certes, mon Dieu, celui qui quitte aujourd'hui ne quitte rien, car que pouvons-nous attendre des hommes, puisqu'ils ont si peu de fidélité pour vous-même? Méritons-nous qu'ils en aient davantage pour nous que pour vous, et leur avons-nous fait plus de bien que vous ne leur en avez fait, pour espérer qu'ils nous aiment plus qu'ils ne vous aiment? Que pouvons-nous donc attendre du monde, nous qui, par la miséricorde de Dieu, avons été tirés du milieu de cet air si contagieux et si mortel? Car qui peut douter que ces personnes ne soient déjà sous la puissance du démon? Elles sont dignes de ce châtiment, puisque leurs œuvres l'ont mérité, et il est bien raisonnable que leurs délices, et leur faux plaisir aient pour récompense un feu éternel. Qu'ils jouissent donc, puisqu'ils le veulent, de ce fruit malheureux de leurs actions. J'avoue toutefois que je ne puis voir tant d'âmes se perdre, sans en être navré de douleur. Je sais que, pour celles qui sont déjà perdues, il n'y a plus de remède, mais je souhaiterais qu'au moins il ne s'en perdît pas davantage. Ô méfiant Jésus-Christ, aidez-moi à prier notre Seigneur de vouloir remédier à un si grand mal, c'est pour ce sujet que nous sommes ici assemblés, c'est l'objet de notre vocation, le juste sujet de nos larmes, c'est à quoi nous devons nous occuper, c'est où doivent tendre tous nos désirs, c'est ce que nous devons sans cesse demander à Dieu, et non pas nous employer à ce qui regarde les affaires séculières. Car, je confesse que je me ris, ou plutôt je m'afflige de voir, ce que quelques personnes viennent recommander avec tant d'instance à nos prières, jusqu'à désirer même que nous demandions pour eux à Dieu de l'argent et des revenus, au lieu que je voudrais, au contraire, le prier de leur faire fouler aux pieds toutes ces choses. Je veux croire que leur intention n'est pas mauvaise, et on se laisse aller à ce qu'ils souhaitent, mais je tiens pour certain que Dieu ne m'exauce jamais en de semblables occasions. Toute la chrétienté est en feu, ces malheureux hérétiques veulent, pour le dire ainsi, c'est condamner une seconde fois Jésus-Christ, puisqu'il suscite contre lui 1000 faux témoins, et travaille à renverser son Église, et nous perdrons le temps en des demandes qui, si Dieu nous les accordait, ne serviraient peut-être qu'à fermer à une âme la porte du ciel. Non, certes, mes sœurs, Ce n'est pas ici le temps de traiter avec Dieu pour des affaires si peu importantes, et s'il ne fallait avoir quelque égard à la faiblesse des hommes, qui cherchent en tout de la consolation, qu'il serait bon de leur donner si nous le pouvions, je serais fort à ce que chacun sût, que ce n'est pas pour de semblables intérêts, que l'on doit prier Dieu avec tant d'ardeur dans le monastère de Saint-Joseph d'Avila. Chapitre 2. Que les religieuses ne doivent point se mettre en peine de leurs besoins temporels. Des avantages qui se rencontrent dans la pauvreté. Contre les grands bâtiments. Ne vous imaginez pas, mes sœurs, que pour manquer à contenter les gens du monde, il vous manque de quoi vivre. Ne prétendez jamais faire subsister votre maison par des inventions et des adresses humaines, autrement vous mourrez de faim, et avec raison. Jetez seulement les yeux sur votre divin époux, puisque c'est lui qui doit vous nourrir. Pourvu que vous le contentiez, ceux même qui vous sont les moins affectionnés vous donneront de quoi vivre, encore qu'ils ne le voulussent pas, ainsi que vous l'avez reconnu par expérience. Mais quand vous mourriez de faim en vous conduisant de la sorte, oh, que bienheureuses seraient les religieuses de Saint-Joseph. Je vous conjure, au nom de Dieu, de graver ces paroles dans votre mémoire, et, puisque vous avez renoncé à avoir du revenu, renoncez aussi aux soins de ce qui regarde votre nourriture, si vous ne le faites, vous êtes perdus. Que ceux à qui notre Seigneur permet d'avoir du revenu prennent ces sortes de soins, à la bonne heure, puisqu'ils le peuvent sans contrevenir à leur vocation. Quant à nous, mes filles, il y aurait de la folie, car ne serait-ce pas porter ses pensées sur ce qui appartient aux autres, que de penser à ses revenus? Et vos soins inspireraient-ils aux personnes une volonté qui n'ont point, pour les engager à vous faire des charités? Remettez-vous de ce soin à celui qui domine sur le cœur, et qui n'est pas moins le maître des richesses que des riches. C'est par son ordre que nous sommes venus ici, ses paroles sont véritables, sont infaillibles, et le ciel et la terre passeront, plutôt qu'elles manquent de s'accomplir. Prenons garde seulement de ne pas manquer à ce que nous lui devons, et ne craignez point qu'il manque à ce qu'il nous a promis. Mais quand cela arriverait, ce serait sans doute pour notre avantage, de même que la gloire des saints s'est augmentée par le martyr. Oh, que ce serait un heureux échange de mourir bientôt, faute d'avoir de quoi vivre, pour jouir de temps plus tôt d'une vie et d'un bonheur qui ne finiront jamais. Pesez bien, je vous prie, mes sœurs, l'importance de cet avis que je vous laisse par écrit, afin que vous vous en souveniez après ma mort, car tant que je serai au monde, je ne manquerai pas de vous en renouveler souvent la mémoire, à cause que je sais par expérience, l'avantage qu'il y a de le pratiquer. Moins nous avons, moins j'ai de soins, et notre Seigneur sait qu'il est très vrai que la nécessité ne me donne pas tant de peine que l'abondance, si je puis dire avoir éprouvé de la nécessité, vu la promptitude avec laquelle il a toujours plu à Dieu de nous secourir. Que si nous en usions autrement, ne serait-ce pas tromper le monde, puisque voulant passer pour pauvre, il se trouverait que nous ne le serions pas d'affection, mais seulement en apparence? J'avoue que j'en aurais du scrupule, parce qu'il me semble que nous serions, comme des riches qui demanderaient l'aumône, et Dieu nous garde que cela soit. Après s'être laissé aller une ou deux fois à ses soins excessifs de recevoir des charités, il se tournerait enfin en coutume, et il pourrait arriver que nous demandassions, ce qui ne nous serait pas nécessaire à des personnes qui en auraient plus besoin que nous. Il est vrai qu'elles pourraient gagner en nous les donnant, mais nous y perdrions sans doute beaucoup. Des avantages de la pauvreté. Dieu ne permet pas, s'il lui plaît, mes filles, que vous tombiez dans cette faute, et si cela devait être, j'aimerais encore mieux que vous eussiez du revenu. Je vous demande en aumône, et pour l'amour de notre Seigneur, qu'une pensée si dangereuse n'entre jamais dans votre esprit. Mais si ce malheur arrivait en cette maison, celle-là même qui serait la moindre de toutes les sœurs, devrait pousser des cris vers le ciel, les représenter avec humilité à sa supérieure que cette faute est si importante, qu'elle ruinerait peu à peu la véritable pauvreté. J'espère, avec la grâce de Dieu, que cela ne sera point, qu'il n'abandonnera pas ses servantes, et que, quand ce que j'écris pour satisfaire à votre désir, ne serait utile à autre chose, il servira au moins à vous réveiller, si vous tombiez en ceci dans la négligence. Croyez, je vous prie, mes filles, que Dieu a permis pour votre, bien que j'eusse quelque intelligence des avantages, qui se rencontrent dans la sainte pauvreté. Ceux qui la pratiqueront la comprendront, mais non pas peut-être autant que moi, parce qu'au lieu d'être pauvre d'esprit, comme j'avais fait vœu de l'être, j'ai été longtemps folle d'esprit, et ainsi, plus j'ai été privée d'un si grand bien, plus j'ai reconnu par expérience, que c'est un extrême bonheur à une âme de le posséder. Cette heureuse pauvreté est un si grand bien, qu'il renferme tous les biens du monde. Oui, je le redis encore, il renferme tous les biens du monde, puisque mépriser le monde, c'est être le maître du monde. Car, que me soucierais-je d'avoir la faveur des grands et des princes, si je ne voulais ni avoir leurs biens, ni jouir de leurs délices, et que je serais très fâché de rien faire pour leur plaire, qui pût déplaire à Dieu en la moindre chose? Comment pourrais-je désirer aussi leur vain honneur, sachant que le plus grand honneur d'un pauvre, consiste à être pauvre véritablement? Je tiens que les honneurs et les richesses, vont presque toujours de compagnie, et celui qui aime l'honneur ne saurait haïr les richesses, et celui qui méprise les richesses, ne se soucie guère de l'honneur. Comprenez bien ceci, je vous prie, pour moi, il me semble que l'honneur est toujours suivi de quelque intérêt de bien, car il arrive très rarement qu'une personne pauvre soit honorée dans le monde, quoique sa vertu la rende digne de l'être, et l'on en tient au contraire fort peu de compte. Mais quant à la véritable pauvreté, elle est accompagnée d'un certain honneur, qui fait qu'elle n'est à charge à personne. J'entends par cette pauvreté celle que l'on souffre seulement pour l'amour de Dieu, laquelle ne se met en peine de contenter que lui seul, et l'on ne manque jamais d'avoir beaucoup d'amis, lorsqu'on a besoin de personne, je le sais par expérience. Mais, comme l'on a déjà écrit de cette vertu, tant de choses excellentes que je ne, et garde de pouvoir exprimer par mes paroles, puisque je n'ai pas assez de lumière pour les bien comprendre, outre que je craindrais d'en diminuer le prix en entreprenant de la louer, je me contenterai de ce que j'ai dit en avoir éprouvé, et j'avoue que jusqu'ici je me suis trouvé de telle sorte, comme lors de moi, que je ne me suis pas entendu moi-même, mais que ce que j'ai dit demeure dit pour l'amour de notre Seigneur. Puis donc, mes filles, que nos armes sont la sainte pauvreté, et que ceux qui le doivent bien savoir, m'ont appris que les saints-pères qui ont été les fondateurs de notre ordre, l'ont, dès le commencement, tant estimé et si exactement pratiqué, qu'ils ne gardent rien d'un jour à l'autre, si nous ne les pouvons imiter dans l'extérieur en la pratiquant avec la même perfection, tâchons au moins de les imiter dans l'intérieur. Nous n'avons que 2 heures à vivre, la récompense qui nous attend est très grande, et quand il n'y en aurait point d'autre que de faire ce que notre Seigneur nous conseille, ne serions-nous pas assez bien récompensés par le bonheur d'avoir imité en quelque chose notre divin Maître? Je le dis encore, ce sont là les armes qui doivent paraître dans nos enseignes, et il n'y a rien en quoi nous ne devions témoigner notre amour pour la pauvreté, dans nos logements, dans nos habits, dans nos paroles, et par-dessus tout, dans nos pensées. Tant que vous tiendrez cette conduite, ne craignez point qu'avec la grâce de Dieu, l'observance soit bannie de cette maison. Car, comme disait Saint Clair, la pauvreté est un grand mur, et elle ajoutait qu'elle voulait s'en servir, et de celui de l'humilité, pour enfermer ses monastères. Il est certain que, si on pratique véritablement cette sainte pauvreté, la continence et toutes les autres vertus, se trouveront beaucoup mieux soutenues, et plus fortifiées par elle que par de somptueux édifices. Contre les bâtiments magnifiques. Je conjure, au nom de Jésus-Christ et de son précieux sang, celles qui viendront après nous, de bien se garder de faire de ces bâtiments superbes, et si c'est une prière que je puisse faire en conscience, je prie Dieu que, Si elles se laissent emporter un tel excès, ces bâtiments tombent sur leur tête et qu'ils les écrasent toutes. Car, mes filles, quelle apparence y aurait-il de bâtir de grandes maisons du bien des pauvres? Mais Dieu ne permet pas, s'il lui plaît, que nous ayons rien que de vil et de pauvre. Imitant en quelque sorte notre roi, il n'a eu pour maison que la grotte de Bethléem où il est né, et la croix où il est mort. Est-ce là des demeures fort agréables? Quant à ceux qui font de grands bâtiments, ils en savent les raisons, et ils peuvent avoir des intentions saintes que je ne sais pas, mais le moindre petit coin peut suffire à très pauvres religieuses. Que si, à cause de l'étroite clôture, on a besoin de quelque enclos pour y faire des ermitages, afin d'y prier séparément, cela pouvant sans doute aider à l'oraison et à la dévotion, j'y consens, à la bonne heure, mais quant à de grands bâtiments, et à avoir rien de curieux, Dieu nous en garde par sa grâce. Ayez continuellement devant les yeux que tous les édifices du monde tomberont au jour du jugement, et que nous ignorons si ce jour est proche. Or quelle apparence y aurait-il, que la maison de 13 pauvres filles, ne pût tomber sans faire un grand bruit? Les vrais pauvres doivent-ils en faire, et aurait-on compassion d'eux s'ils en faisaient? Quelle joie vous serait-ce, mes sœurs, si vous voyez quelqu'un être délivré de l'enfer par l'aumône qu'il vous aurait faite, car cela n'est pas impossible. Vous êtes donc obligés de beaucoup prier pour ceux qui vous donnent de quoi vivre, puisque, encore que l'aumône vous vienne de la part de Dieu, il veut que vous en séchiez les grès à ceux par qui il vous la donne, et vous ne devez jamais y manquer. Je ne sais ce que j'avais commencé de dire, parce que j'ai fait une grande digression, mais je crois que notre Seigneur l'a permis, puisque je n'avais jamais pensé à écrire ce que je viens de vous dire. Je prie sa divine majesté de nous tenir toujours, par la main afin que nous ne l'abandonnions jamais. Chapitre 3. La sainte exhorte ses religieuses à prier continuellement Dieu pour ceux qui travaillent pour l'Église. Combien ils doivent être parfaits. Prière de la sainte à Dieu pour eux. Pour retourner au principal sujet, qui nous est assemblé en cette maison, et pour lequel je souhaiterais, que nous puissions faire quelque chose qui fût agréable à Dieu, je dis que, voyant que l'hérésie qui s'est élevée en ce siècle, est comme un feu dévorant qui fait toujours de nouveaux progrès, et que le pouvoir des hommes n'est pas capable de l'arrêter, il me semble que nous devons agir comme ferait un prince qui, voyant que ses ennemis ravageraient, tout son pays et qu'il ne serait pas assez fort pour leur résister en campagne, se retirerait avec quelques troupes choisies dans une place qu'il ferait extrêmement fortifiée, d'où il ferait avec ce petit nombre des sorties sur eux, qui les incommoderait beaucoup plus que ne pourraient faire de grandes troupes mal aguerries, car il arrive souvent que par ce moyen on demeure victorieux. Et au pis aller on ne saurait périr que par la famine, puisqu'il n'y a point de traîtres parmi ces gens-là. Or ici, mes sœurs, la famine peut bien nous presser, mais non pas nous contraindre de nous rendre, elle peut bien nous faire mourir, mais non pas nous vaincre. Or pourquoi vous dis-je ceci? C'est pour vous faire connaître que ce que nous devons demander à Dieu et qu'il ne permet pas que, dans cette place où les bons chrétiens se sont retirés, il s'en trouve qu'ils s'aillent jeter du côté des ennemis, mais qu'il fortifie la vertu et le courage des prédicateurs et des théologiens, qui sont comme les chefs de ces troupes, et fasse que les religieux, qui composent le plus grand nombre de ces soldats, s'avancent de jour en jour dans la perfection que demande une vocation si sainte, car cela importe de tout, parce que c'est des forces ecclésiastiques, et non pas des séculières que nous devons attendre notre secours. Puisque nous sommes incapables de rendre dans cette occasion du service à notre roi, efforçons-nous au moins d'être tels, que nos prières puissent aider ceux de ses serviteurs qui, n'ayant pas moins de doctrine que de vertu, travaillent avec tant de courage pour son service. Que si vous me demandez pourquoi j'insiste, tant sur ce sujet et vous exhorte d'assister ceux qui sont beaucoup meilleurs que nous, je réponds que c'est parce que je crois, que vous ne comprenez pas encore assez quelle est l'obligation que vous avez à Dieu de vous avoir conduite en un lieu où vous êtes affranchi des affaires, des engagements et des conversations du monde. Cette faveur est bien plus grande que vous ne le sauriez croire, et ceux dont je vous parle sont bien éloignés d'en jouir, ils ne seraient pas même à propos qu'ils en jouissent, principalement en ce temps, puisque c'est à eux de fortifier les faibles et d'encourager les timides, car à quoi seraient bons des soldats qui manqueraient de capitaines? Il faut donc qu'ils vivent en parmi les hommes, qu'ils conversent avec les hommes, et qu'entrant dans les palais des grands et des rois, ils y paraissent quelquefois, pour ce qui est de l'extérieur, semblables aux autres hommes. Qu'il n'appartient qu'au parfait de servir l'Église. Or pensez-vous, mes filles, qu'il faille peu de vertu pour vivre dans le monde, pour traiter avec le monde et pour s'engager dans les affaires du monde? Pensez-vous qu'il faille peu de vertu pour converser avec le monde, et pour être en même temps dans son cœur, non seulement éloigné du monde, mais aussi ennemi du monde, pour vivre sur la terre comme dans un lieu de bannissement, et enfin pour être des anges et non pas des hommes? Car, s'ils ne sont tels, ils ne méritent pas de porter le nom de capitaine, et je prie notre Seigneur de ne pas permettre qu'ils sortent de leur cellule. Ils feraient beaucoup plus de mal que de bien, puisque ce n'est pas maintenant le temps de voir des défauts en ceux qui doivent enseigner les autres, et que s'ils ne sont bien affermis dans la piété, et fortement persuadés combien, il importe de fouler aux pieds tous les intérêts de la terre, et de se détacher de toutes les choses périssables pour s'attacher seulement aux éternels, ils ne sauraient empêcher que l'on ne découvre leurs défauts, quelque soin qu'ils prennent de les cacher. Comme c'est avec le monde qu'ils traitent, ils peuvent s'assurer qu'il ne leur pardonnera pas, mais qu'il remarquera jusqu'à leurs moindres imperfections, sans s'arrêter à ce qu'ils auront de bon, ni peut-être même sans le croire. J'admire qui peut apprendre à ces personnes du monde, ce que c'est que la perfection, car ils la connaissent, non pour la suivre, puisqu'ils ne s'y croient point obligés, et s'imaginent que c'est assez d'observer les simples commandements, mais pour employer cette connaissance à examiner et à condamner jusqu'au moindre défaut des autres. Quelquefois même ils raffinent de telle sorte, qu'ils prennent pour une imperfection et pour un relâchement, ce qui est en effet une vertu. Vous imaginez-vous donc que les serviteurs de Dieu, n'aient pas besoin qu'ils les favorisent d'une assistance toute extraordinaire pour s'engager dans un si grand et si périlleux combat? Tâchez, je vous prie, mes sœurs, de vous rendre telles que vous méritiez d'obtenir ces deux choses de sa divine majesté, la première, que parmi tant de personnes savantes et tant de religieuses, il s'en trouve plusieurs qui aient les conditions que j'ai dit nécessaires pour travailler à ce grand ouvrage, et qu'il lui plaise d'en rendre capable, ceux qui ne le sont pas encore assez, puisqu'un seul homme parfait rendra plus de service qu'un grand nombre d'imparfaits. La seconde, que lorsqu'ils sont engagés dans une guerre si importante, notre Seigneur les soutienne par sa main toute puissante, afin qu'ils ne succombent pas dans les périls continuels où l'on est exposé dans le monde, mais qu'ils bouchent leurs oreilles au chant des sirènes, qui se rencontrent sur une mer dangereuse. Que si, dans l'étroite clôture où nous sommes, nous pouvons par nos prières contribuer pour quelque chose à ce grand dessein, nous aurons aussi combattu pour Dieu, et je m'estimerai avoir très bien employé les travaux que j'ai ou faire pour établir cette petite maison, où je prétends que l'on garde la règle de la Sainte Vierge, notre Reine, avec la même perfection qu'elle se pratiquait au commencement. Ne croyez pas, mes filles, qu'il soit inutile de faire sans cesse cette prière, quoique plusieurs pensent que c'est une chose bien rude de ne prier pas beaucoup pour soi-même, croyez-moi, nulle prière n'est meilleure et plus utile. Que si vous craignez qu'elle ne serve pas à diminuer les peines que vous devez souffrir dans le purgatoire, je vous réponds qu'elle est trop sainte pour n'y pas servir, mais quand vous y perdriez quelque chose en votre particulier, à la bonne heure. Et que m'importe quand je demeurerai jusqu'au jour du jugement en purgatoire, si je pouvais, par mes oraisons, être cause du salut d'une âme, et, à plus forte raison, si je pouvais servir à plusieurs, et à la gloire de notre Seigneur. Méprisez, mes sœurs, Des peines qui ne sont que passagères, lorsqu'il s'agit de rendre un service beaucoup plus considérable à celui qui a tant souffert pour l'amour de nous. Tâchez à vous instruire sans cesse de ce qui est le plus parfait, puisque pour les raisons que je vous dirai ensuite, j'ai à vous prier instamment de traiter toujours de ce qui regarde votre salut avec des personnes doctes et capables. Je vous conjure, au nom de Dieu, de lui demander qu'il nous accorde cette grâce, ainsi que je le lui demande, toute misérable que je suis, parce qu'il y va de sa gloire et du bien de son Église, qui sont le but de tous mes désirs. Prière à Dieu. J'avoue que ce serait une grande témérité à moi de croire, que je puisse contribuer pour quelque chose, afin d'obtenir une telle grâce, mais je me confie, mon Dieu, aux prières de vos servantes, avec qui je suis, parce que je sais qu'elles n'ont autre dessein, ni autre prétention que de vous plaire. Elles ont quitté, pour l'amour de vous, le peu qu'elles possédaient, et auraient voulu quitter davantage pour vous servir. Comment pourrais-je donc croire, ô mon Créateur, qu'étant aussi reconnaissant que vous êtes, vous rejetassiez leur demande? Je sais que, lorsque vous étiez sur la terre, non seulement vous n'avez point eu de mépris pour notre sexe, mais vous avez même répandu vos faveurs sur plusieurs femmes avec une bonté admirable. Quand nous vous demanderons de l'honneur ou de l'argent, ou du revenu, ou quelqu'une de ces autres choses que l'on recherche dans le monde, alors ne nous écoutez point. Mais pourquoi n'écouteriez-vous pas, ô Père éternel, celle qui ne vous demande que ce qui regarde la gloire de votre Fils, qui met toute la leur à vous servir, et qui donnerait pour vous 1000 vies? Je ne prétends pas néanmoins, Seigneur, que vous accordiez cette grâce pour l'amour de nous, je sais que nous ne la méritons pas, mais j'espère de l'obtenir en considération du sang et des mérites de votre Fils. Pourriez-vous bien, ô Dieu Tout-Puissant, oublier tant d'injures, tant d'outrages et tant de tourments qu'il a souffert? Et vos entrailles paternelles, toutes brûlantes d'amour, pourraient-elles bien permettre que ce que son amour a fait pour vous plaire en vous aimant, comme vous lui aviez ordonné, soit aussi méprisé qu'il l'est aujourd'hui, dans le très saint sacrement de l'Eucharistie, par ces malheureux hérétiques qui le chassent de chez lui en abattant les églises où on l'adore? Que s'il avait manqué à quelque chose de ce qui était le plus capable de vous contenter, n'a-t-il pas accompli parfaitement tout, ce qui pouvait vous être agréable? Ne suffit-il pas, mon Dieu, que, durant qu'il a été dans le monde, il n'ait pas eu au pouvoir reposer sa tête, et qu'il ait été accablé par tant de souffrances, sans qu'on lui ravisse maintenant les maisons où il reçoit ses amis, et où, connaissant leurs faiblesses, il les nourrit et les fortifie par sa viande toute divine, pour les rendre capables de soutenir les travaux où ils se trouvent engagés pour votre service? N'a-t-il pas suffisamment satisfait par sa mort au péché d'Adam? Et faut-il donc que toutes les fois que nous péchons, ce très doux et très charitable agneau satisfasse encore pour nos offenses? Ne le permettez pas, ô souverain monarque de l'univers, apaisez votre colère, détournez les yeux de nos crimes, considérez le sang que votre divin Fils a répandu pour nous racheter, ayez seulement égard à ses mérites, et à ceux de la glorieuse Vierge sa mère, des martyrs et de tous les saints qui ont donné leur vie pour votre service. Mais hélas, mon Seigneur, qui suis-je pour oser, au nom de tous, vous présenter cette requête? Ah, mes filles, quelle mauvaise médiatrice pour faire une telle demande pour vous et pour l'obtenir! Ma témérité ne servira-t-elle pas plutôt d'un sujet très juste pour augmenter l'indignation de ce redoutable et souverain juge dont j'implore la clémence? Mais, Seigneur, puisque vous êtes un Dieu de miséricorde, ayez pitié de cette pauvre pécheresse, de ce ver de terre, et pardonnez à ma hardiesse. Ne considérez pas mes péchés, considérez plutôt mes désirs et mes larmes que je répands en vous faisant cette prière, je vous en conjure par vous-même, ayez pitié de tant d'âmes qui se perdent, secourez, Seigneur, votre Église, arrêtez le cours de tant de maux, qui affligent la chrétienté et faites luire votre lumière parmi ces ténèbres. Je vous demande, mes sœurs, pour l'amour de Jésus-Christ, et comme une chose à quoi vous êtes obligés, de prier sa divine majesté pour cette pauvre, et trop hardie pécheresse qui vous parle, afin qu'il lui plaise de me donner l'humilité qui m'est nécessaire. Quant au roi et au prélat de l'Église, et particulièrement notre évêque, je ne vous les recommande point, parce que je vous vois si soigneuse de prier pour eux, que je ne crois pas qu'il en soit besoin. Mais, puisqu'on peut dire que celles qui viendront après nous seront saintes, si elles ont un saint évêque, comme cette grâce est si importante, demandez-la sans cesse à notre Seigneur. Que si vos désirs, vos oraisons, vos disciplines et vos jeûnes ne s'emploient pour de tels sujets, et les autres dont je vous ai parlé, sachez que vous ne tendez point à la fin pour laquelle Dieu nous a ici assemblés. Chapitre 4. La Sainte exhorte ses religieuses à l'observation de leurs règles. Que les religieuses doivent s'entraimer, et éviter avec grand soin toute singularité et partialité. De quelle manière on doit s'aimer? Des confesseurs, et qu'il en faut changer, lorsqu'on remarque en eux de la vanité. De l'observation de la règle. Vous venez de voir, mes filles, combien grande est l'entreprise que nous prétendons exécuter, car quels devons-nous être pour ne point passer pour téméraires au jugement de Dieu et des hommes? Deux est évident qu'il faut pour cela beaucoup travailler, et qu'il est besoin pour y réussir d'élever fort haut nos pensées, afin de faire de si grands efforts que nos œuvres y répondent, car il y a sujet d'espérer, que notre Seigneur exaucera nos prières, pourvu que nous n'oublions rien de ce qui peut dépendre de nous, pour observer exactement nos constitutions et notre règle. Je ne vous impose rien de nouveau, mes filles, je vous demande seulement d'observer les choses auxquelles votre vocation et votre profession vous obligent, quoiqu'il y ait grande différence entre les diverses manières dont on s'en acquitte. La première règle nous ordonne de prier sans cesse, et comme ce précepte renferme le plus important de nos devoirs, si nous l'observons exactement, nous ne manquerons ni au jeûne, ni aux disciplines, ni au silence, auxquels notre institut nous oblige, puisque vous savez que toutes ces choses contribuent à la perfection de l'oraison, et que les délicatesses et la prière ne s'accordent point ensemble. Vous avez désiré que je vous parle de l'oraison, et moi je vous demande, pour récompense de ce que je vais dire, non seulement de le lire fort souvent, avec beaucoup d'attention, mais aussi de pratiquer ce que je vous ai déjà dit. Avant que d'en venir à l'intérieur, qui est l'oraison, je vous dirai certaines choses si nécessaires à ceux qui prétendent marcher dans ce chemin que, pourvu qu'ils les pratiquent, ils pourront s'avancer beaucoup dans le service de Dieu, quoiqu'ils ne soient pas fort contemplatifs, au lieu que sans cela, non seulement il est impossible qu'ils le deviennent, mais ils se trouveront trompés s'ils croient l'être. Je prie notre Seigneur de me donner l'assistance dont j'ai besoin et de m'enseigner ce que j'ai à dire, afin qu'il réussisse à sa gloire. Ne croyez pas, mes chères sœurs, que les choses auxquelles je prétends vous engager soient en grand nombre. Nous serons trop heureuses si nous accomplissons celles que nos saints-pères ont ordonnées et pratiquées, puisqu'en marchant par ce chemin, ils ont mérité le nom de saints, et que ce serait s'égarer de tenir une autre route, ou de chercher d'autres guides pour nous conduire. Je m'étendrai seulement sur trois choses portées par nos constitutions, parce qu'il nous importe extrêmement de comprendre combien il nous est avantageux de les garder, pour jouir de cette paix extérieure et intérieure, que Jésus-Christ nous a tant recommandée. La première est un amour sincère des unes envers les autres, la seconde, un entier détachement de toutes les choses créées, et la troisième, une véritable humilité, qui, bien que je la nomme la dernière, est la principale de toutes et embrasse les deux antres. De quelle manière les religieuses se doivent aimer? Quant à la première, qui est de nous entraîner, elle est d'une grande conséquence, parce qu'il n'y a rien de si difficile à supporter, qui ne paraisse facile à ceux qui s'aiment, et qu'il faudrait qu'une chose fût merveilleusement rude pour leur pouvoir donner de la peine. Que si ce commandement s'observait avec grand soin dans le monde, je crois qu'il servirait beaucoup pour en faire garder d'autres, Mais comme nous y manquons toujours en aimant trop, ce qui doit être moins aimé, ou trop peu ce qui doit l'être davantage, nous ne l'accomplissons jamais parfaitement. Il y en a qui s'imaginent que, parmi nous, l'excès ne peut en cela être dangereux, il est néanmoins si préjudiciable, et apportant d'imperfections avec lui, que j'estime qu'il n'y a que ceux qui l'ont remarqué de leurs propres yeux, qui le puissent croire, car le démon s'en sert comme d'un piège si imperceptible à ceux qui se contentent de servir Dieu imparfaitement, que cette grande affectation passe dans leur esprit pour une vertu. Mais ceux qui aspirent à la perfection en connaissent le danger, et savent que cette affection mal réglée, affaiblit peu à peu la volonté, et l'empêche de s'employer entièrement à aimer Dieu. Ce défaut se rencontre encore plus tôt, à mon avis, chez les femmes que chez les hommes, et cause un dommage visible à toute la communauté, parce qu'il arrive de là que l'on n'aime pas également toutes les sœurs, que l'on sent le déplaisir qui est fait à son ami, que l'on désire d'avoir quelque chose pour lui donner, que l'on cherche l'occasion de lui parler, sans avoir le plus souvent ri. Peine à lui dire, sinon qu'on l'aime, et autre chose impertinente, plutôt que de lui parler de l'amour que l'on doit avoir pour Dieu. Il arrive même si peu souvent que ces grandes amitiés, et pour fin de s'entraider à l'aimer, que je crois que le démon les fait naître pour former des ligues, et des factions dans les monastères, car quand on ne s'aime que pour servir sa divine majesté, les effets le font bientôt connaître, en ce qu'au lieu que les autres, s'entraînant pour satisfaire leur passion, celles-ci cherchent, au contraire, dans l'affection qu'elles se portent, un remède pour vaincre leur passion. Quant à cette sorte d'amitié, je souhaiterais que, dans les grands monastères, il s'y en trouvât beaucoup, car pour celui-ci nous ne sommes, et ne pouvons être que 13, toutes les sœurs doivent être amies, toutes se doivent chérir, toutes se doivent aimer, et quelque sainte qu'elle soit, je les conjure, pour l'amour de notre Seigneur, de se bien garder de ces singularités où je vois si peu de profit. Puisque, entre les frères même, c'est un poison d'autant plus dangereux pour eux, qu'ils sont plus proches. Croyez-moi, mes sœurs, quoique ce que je vous dis vous semble un peu rude, il conduit à une grande perfection, il produit dans l'âme une grande paix, et fait éviter plusieurs occasions d'offenser Dieu à celles qui ne sont pas tout à fait fortes. Que si notre inclination nous porte à aimer plutôt une sœur que non pas une autre, ce qui pourrait arriver, puisque c'est un mouvement naturel, qui souvent même nous fait aimer davantage les personnes les plus imparfaites, quand il se rencontre que la nature les a favorisées de plus de grâce, nous devons alors nous tenir extrêmement sur nos gardes, afin de ne nous laisser point dominer par cette affection naissante. Aimons les vertus, mes filles, et les biens intérieurs. Ne négligeons aucun soin pour nous désaccoutumer de faire cas de ces biens extérieurs, et ne souffrons point que notre volonté soit esclave, si ce n'est de celui qui l'a racheté de son propre sang. Que celles qui ne profiteront pas de cet avis prennent garde de se trouver, sans y penser, dans des liens dont elles ne pourront se dégager. Hélas, mon Dieu, mon Sauveur, qui pourrait dénombrer combien de sottises, et de niaiseries tient leur origine de cette source. Mais comme il n'est pas besoin de me parler ici de ces faiblesses qui se trouvent dans les femmes, ni de les faire connaître aux personnes qui les ignorent, je ne veux pas les rapporter en partie. J'avoue que j'ai été quelquefois épouvanté de les voir, je dis de les voir, car par la miséricorde de Dieu, je n'y suis jamais guère tombé. Je les ai remarqués souvent, et je crains bien qu'elles ne se rencontrent dans la plupart des monastères, ainsi que je l'ai vu en plusieurs, parce que je sais que rien n'est plus capable d'empêcher les religieuses d'arriver à une grande perfection, et que dans les supérieurs, comme je l'ai déjà dit, c'est une peste. Il faut apporter un extrême soin à couper la racine de ces partialités et de ces amitiés dangereuses, aussitôt qu'elles commencent à naître, mais il le faut faire avec adresse, et avec plus d'amour que de rigueur. C'est un excellent remède pour cela de n'être ensemble qu'aux heures ordonnées, et de ne se point parler, ainsi que nous le pratiquons maintenant, mais de demeurer séparés, comme la règle le commande, et nous retirer chacune dans notre cellule. Ainsi, quoique ce soit une coutume louable d'avoir une chambre commune où l'on travaille, je vous exhorte à n'en point avoir dans ce monastère, parce qu'il est beaucoup plus facile de garder le silence lorsque l'on est seul. Outre qu'il importe extrêmement de s'accoutumer à la solitude pour pouvoir bien faire l'oraison, qui doit être le fondement de la conduite de cette maison, puisque c'est principalement pour ce sujet que nous sommes ici assemblés, nous ne saurions trop nous affectionner à ce qui peut le plus contribuer à nous l'acquérir. Pour revenir, mes filles, à ce que je disais de nous entraîner, il me semble qu'il serait ridicule de vous le recommander, puisqu'il n'y a point de personnes si brutales qui, demeurant et communiquant toujours ensemble, n'ayant ni ne devant point avoir de conversation, d'entretien et de divertissement avec les personnes de dehors, ayant sujet de croire que Dieu aime les sœurs et qu'elles l'aiment, puisqu'elles ont tout quitté pour l'amour de lui, puissent manquer de s'aimer les unes les autres, outre que c'est le propre de la vertu de se faire aimer, et que j'espère, avec la grâce de Dieu, qu'elle n'abandonnera jamais ce monastère. Je n'estime donc pas qu'il soit besoin de vous recommander beaucoup de vous entraîner en la manière que je viens de dire, mais je veux vous représenter quel est cet amour si louable que je désire qu'il soit parmi nous, et par quelle marque nous pourrons connaître, que nous aurons acquis cette vertu, qui doit être bien grande, puisque notre Seigneur l'a recommandée si expressément à ses apôtres. C'est de quoi je vais maintenant vous entretenir un peu, selon mon peu de capacité, que si vous le trouvez mieux expliqué en d'autres livres, ne vous arrêtez pas à ce que j'en écrirai, car peut-être ne sais-je pas ce que je dis. De l'affection pour les confesseurs. Il y a deux sortes d'amour dont je vais parler, l'un est purement spirituel, ne paraissant rien en lui qui ternisse sa pureté, parce qu'il n'a rien qui tienne de la sensualité et de la tendresse de notre nature, l'autre est aussi spirituel, mais notre sensualité et notre faiblesse s'y mêlent. C'est toutefois un bon amour, et qui semble légitime, tel est celui qui se voit entre les parents et les amis. J'ai déjà dit quelque chose de ce dernier, et je veux maintenant parler de l'autre, qui est purement spirituel et sans aucun mélange de passion, car s'il s'y en rencontrait, toute la spiritualité qui y paraîtrait s'évanouirait et deviendrait sensuelle, en lieu que si nous nous conduisons dans cet autre amour, quoique moins parfait, avec modération et avec prudence, tout y sera méritoire, et ce qui paraissait sensualité se changera en vertu. Mais cette sensualité s'y mêle quelquefois si subtilement, qu'il est difficile de la discerner, principalement s'il se rencontre, que ce soit avec un confesseur, parce que les personnes qui s'adonnent à l'oraison, s'affectionnent extrêmement à celui qui gouverne leur conscience, quand elles reconnaissent en lui beaucoup de vertus, et de capacités pour les conduire. C'est ici que le démon les assiège d'un grand nombre de scrupules dans le dessein de les inquiéter et de les troubler, et surtout s'il voit que le confesseur les porte à une plus grande perfection, car alors il les presse d'une telle sorte, qu'il les fait résoudre à quitter leur confesseur, et ne les laisse point en repos après même qu'elles en ont choisi un autre. Ce que ces personnes peuvent faire en cet état, est de ne point s'appliquer à discerner si elles aiment ou n'aiment pas. Que si elles aiment, qu'elles aiment. Car, si nous aimons ceux de qui nous recevons des biens qui ne regardent que le corps, pourquoi n'aimerions-nous pas ceux qui travaillent sans cesse à nous procurer les biens de l'âme? J'estime, au contraire, que c'est une marque que l'on commence à faire un progrès notable, lorsque l'on aime son confesseur, quand il est saint et spirituel, et que l'on voit qu'il travaille pour nous faire avancer dans la vertu, notre faiblesse étant telle que nous ne pourrions souvent, sans son aide, entreprendre de grandes choses pour le service de Dieu. Que si le confesseur n'est pas tel que je viens de dire, c'est alors qu'il y a beaucoup de périls, et qu'il peut arriver un très grand mal de ce qu'il voit qu'on l'affectionne, principalement dans les maisons où la clôture est la plus étroite. Or, comme il est difficile de connaître, si le confesseur a toutes les bonnes qualités qu'il doit avoir, On doit lui parler avec une grande retenue et une grande circonspection. Le meilleur serait sans doute de faire qu'il ne s'aperçût point qu'on l'aime beaucoup, et de ne lui en parler jamais. Mais le démon use d'un si grand artifice pour l'empêcher, que l'on ne sait comment s'en défendre, car il fait croire à ces personnes que c'est à quoi toute leur confession se réduit principalement, et qu'ainsi elles sont obligées de s'en accuser. C'est pourquoi je voudrais qu'elles crussent que cela n'est rien, et n'en tinssent aucun compte. C'est un avis qu'elles doivent suivre, si elles connaissent que tous les discours de leur confesseur ne tentent qu'à leur salut, qu'il craint beaucoup Dieu, et n'a point de vanité, ce qui est très facile à remarquer, à moins de se vouloir aveugler soi-même. Car, en ce cas, quelque tentation que leur donne la crainte de trop aimer, au lieu de s'en inquiéter, il faut qu'elles les méprisent et en détournent leur vue, puisque c'est le vrai moyen de faire que le démon se lasse de les persécuter et se retire. Mais, si elles remarquent que le confesseur les conduisent en quelque chose par un esprit de vanité, tout le reste doit alors leur être suspect, et quoiqu'il n'y ait rien que de bon dans ses entretiens, il faut qu'elle se garde bien d'entrer en discours avec lui, mais qu'elle se retire après s'être confessée en peu de paroles. Le plus sûr, dans ces rencontres, sera de dire à la prieure que l'on ne se trouve pas bien de lui, et de le changer comme étant le remède le plus certain, si l'on en peut user sans blesser sa réputation. Dans ces occasions et autres semblables, qui sont comme autant de pièges qui nous sont tendus par le démon, et l'on ne sait quel conseil prendre, le meilleur sera d'en parler à quelque homme savant et habile, ce que l'on ne refuse point en cas de nécessité, de se confesser à lui et de suivre ses avis, puisque, si on ne cherchait point de remède à un si grand mal, on pourrait tomber dans de grandes fautes, car combien en commet-on dans le monde que l'on ne commettrait pas, si l'on agissait avec conseil, principalement en ce qui regarde la manière de se conduire envers le prochain pour ne lui point faire de tort? Il faut donc nécessairement, dans ces rencontres, travailler à trouver quelques remèdes, puisque, quand le démon commence à nous attaquer de ce côté-là, il fait en peu de temps de grands progrès, si l'on ne se hâte de lui fermer le passage. Ainsi cet avis de parler à un autre confesseur est sans doute le meilleur, en cas qu'il se trouve quelque commodité pour le faire, et si, comme je l'espère de la miséricorde de notre Seigneur, ces âmes sont disposées à ne rien négliger de tout ce qui est en leur pouvoir pour ne plus traiter avec le premier, quand elles devraient pour ce sujet s'exposer à perdre la vie. Considérez, mes filles, de quelle importance vous est cet avis, puisque ce n'est pas seulement une chose périlleuse, mais une peste pour toute la communauté, mais un enfer. N'attendez donc pas que le mal soit grand, et travaillez de bonne heure à le déraciner par tous les moyens dont vous pourrez user en conscience. J'espère que notre Seigneur ne permettra pas que des personnes qui font profession de raison puissent affectionner d'autres que de grands serviteurs de Dieu, car autrement elles ne seraient ni des âmes de raison, ni des âmes qui tendissent à une perfection, telle que je prétends que soit la vôtre, puisque si elles voyaient qu'un confesseur n'entendit pas leur langage, et qu'il ne se portait pas avec affection à parler de Dieu, il leur serait impossible de l'aimer, parce qu'il leur serait entièrement dissemblable. Que s'il était comme elle dans la piété, il faudrait qu'il fût bien simple, et peu éclairé pour croire qu'un si grand mal pût entrer facilement dans une maison si resserrée, et si peu expée. Osez aux occasions qu'il aurait pu faire naître, et pour vouloir ensuite s'inquiéter soi-même, et inquiéter des servantes de Dieu. C'est donc là, comme je l'ai dit, tout le mal ou au moins le plus grand mal, que le démon puisse faire glisser dans les maisons les plus resserrées. C'est celui qui s'y découvre le plus tard, et qui est capable d'en ruiner la perfection sans que l'on en sache la cause, parce que si le confesseur lui-même est en vain, donne quelque entrée à la vanité dans le monastère, comme il se trouve engagé dans ce défaut, il ne se met guère en peine de le corriger dans les autres. Je prie Dieu, par son intime bonté, de nous délivrer d'un tel malheur. Il est si grand, qu'il n'en faut pas davantage pour troubler toutes les religieuses lorsqu'elles sentent que leur conscience leur dicte le contraire de ce que leur dit leur confesseur, et que si on leur tient tant de rigueur que de leur refuser d'aller à un autre, elles ne savent que faire pour calmer le trouble de leur esprit, parce que celui qui devrait y remédier est celui-là même qui le cause. Il se rencontre sans doute en quelques maisons tant de peines de cette sorte, que vous ne devez pas vous étonner que la compassion que j'en ai m'ait fait prendre un si grand soin de vous avertir de ce péril. Chapitre 5. Suite du même sujet. Combien il importe que les confesseurs soient savants. En quel cas on peut changer, et de l'autorité des supérieurs. Je prie Dieu de tout mon cœur de ne permettre qu'aucune de vous éprouve, dans un monastère d'une si étroite clôture, ces troubles d'esprit et ces inquiétudes dont je viens de vous parler. Que si la prieure et le confesseur sont bien ensemble, et qu'ainsi on n'ose rien dire, ni à elle de ce qui le touche, ni à lui de ce qui la regarde, ce sera alors que l'on se trouvera tenté de taire dans la confession des péchés fort importants, par la crainte de ce trouble et de cette inquiétude où l'on s'engagerait en les disant. Ô mon Dieu, mon Sauveur, quel ravage le démon ne peut-il point faire par ce moyen, et que cette dangereuse retenue et ce malheureux point d'honneur coûte cher. Car, par la fausse créance qu'il y va de la réputation du monastère de n'avoir qu'un confesseur, cet esprit infernal met ses pauvres filles dans une gêne d'esprit où il ne pourrait par d'autres voies les faire tomber. Ainsi, si elles demandent d'aller à un autre confesseur, on croit que c'est renverser toute la discipline de la maison. Et quand celui qu'elles désirent serait un saint, s'il se rencontre qu'il ne soit pas du même ordre, on s'imagine ne pouvoir le leur donner sans faire un affront à tout l'ordre. Louez extrêmement Dieu, mes filles, de la liberté que vous avez maintenant dans les heures d'une autre sorte, puisqu'encore qu'elles ne se doivent pas étendre à avoir beaucoup de confesseurs, vous pouvez, outre les ordinaires, en avoir quelques-uns qui vous éclaircissent de vos doutes. Je demande, au nom de notre Seigneur, à celle qui sera supérieure, de tâcher toujours d'obtenir de l'évêque ou du provincial, pour elle et ses religieuses, cette sainte liberté de communiquer de son intérieur avec des personnes doctes, principalement si leurs confesseurs ne le sont pas, quelque vertueux qu'ils puissent être. Car Dieu les garde de se laisser conduire en tout par un confesseur ignorant, quoi qu'il leur paraisse spirituel, et qu'il le soit en effet. La science sert extrêmement pour donner lumière en toute chose, et il n'est pas impossible de rencontrer des personnes qui soient toutes ensemble et savantes et spirituelles. Souvenez-vous aussi, mes sœurs, que plus notre Seigneur vous fera de grâce dans l'oraison, et plus vous aurez besoin d'établir sur un fondement solide toutes vos actions et vos prières. Vous savez déjà que la première pierre de cet édifice spirituel est d'avoir une bonne conscience, de faire tous ses efforts pour éviter même de tomber dans les péchés véniels, et d'embrasser ce qui est le plus parfait. Vous vous imaginerez peut-être que tous les confesseurs le savent, mais c'est une erreur, car il m'est arrivé de traiter des choses de conscience avec un qui avait fait tout son cours de théologie, lequel me fit beaucoup de tort en me disant que certaines choses n'étaient point considérables. Il n'avait point toutefois intention de me tromper, ni sujet de le vouloir, et il n'y aurait rien gagné, mais il n'en savait pas davantage, et la même chose m'est arrivée avec deux ou trois autres. En quel cas on peut changer de confesseur? Cette véritable connaissance de ce qu'il faut faire pour observer avec perfection la loi de Dieu, nous importe de tout. C'est le fondement solide de l'oraison, et quand il manque, on peut dire que tout l'édifice porte à faux. Vous devez donc prendre conseil de ceux en qui l'esprit se trouve joint avec la doctrine, et si votre confesseur n'a ses qualités, tâchez de temps en temps d'aller à un autre. Que si l'on fait difficulté de vous le permettre, communiquez au moins hors de la confession de l'état de votre conscience avec des personnes telles que je viens de dire. J'ose même passer plus avant, en vous conseillant de pratiquer quelquefois cet avis, quand bien même votre confesseur, aurait de l'esprit et serait savant, parce qu'il se pourrait faire qu'il se tromperait, et qu'il serait très fâcheux que vous fussiez toutes trompées par lui. Tâchez toujours néanmoins à ne rien faire, qui contrevienne à l'obéissance, car à toute chose il y a remède. Et puisqu'une âme est de si grand prix, qu'il n'y a rien qu'on ne doive faire pour son avancement dans la vertu, que ne doit-on pas faire lorsqu'il s'agit de l'avancement de plusieurs âmes? Tout ce que je viens de dire regarde principalement la supérieure. Je la conjure, encore une fois, que puisqu'on ne cherche d'autre consolation en cette maison que celle qui regarde l'âme, elle tâche de la lui procurer dans un point si important. Car, comme il y a plusieurs chemins par lesquels Dieu conduit les personnes pour les attirer à lui, il n'y a pas sujet de s'étonner que le confesseur en ignore quelques-uns. Et pourvu, mes filles, que vous soyez telles que vous devez être, quelque pauvre que vous soyez, vous ne manquerez pas de personnes qui veuillent par charité vous assister de leurs conseils. Ce même Père Céleste qui vous donne la nourriture nécessaire pour le corps, inspirera sans doute à quelqu'un la volonté d'éclairer votre âme, pour remédier à ce mal qui est celui de tous que je crains le plus. Et quand il arriverait que le démon tenterait le confesseur pour le faire tomber dans quelque erreur, lorsque ce confesseur verrait que d'autres vous parleraient, il prendrait garde de plus près à lui. Et serait plus circonspect dans toutes ses actions. J'espère en la miséricorde de Dieu, que si l'on ferme cette porte au diable, il n'en trouvera point d'autre pour entrer dans ce monastère, et ainsi je demande, au nom de notre Seigneur, à l'évêque supérieur sous la conduite duquel vous serez, qu'il laisse aux sœurs cette liberté, et que, s'il se rencontre dans cette ville des personnes savantes et vertueuses, ce qui est facile à savoir dans un lieu aussi petit que celui-ci, il ne leur refuse pas la permission de se confesser quelquefois à eux, quoiqu'elle ne manque pas d'un confesseur ordinaire. Je sais que cela est à propos pour plusieurs raisons, et que le mal qui en peut arriver, ne doit pas entrer en comparaison avec un mal aussi grand, et aussi irrémédiable que sera celui d'être cause, en leur refusant cette grâce, qu'elle retince sur leur conscience des péchés, qu'elle ne pourra se résoudre de découvrir. Car les maisons religieuses ont cela de propre que le bien s'y perd promptement, si on ne le conserve avec grand soin, au lieu que, quand le mal s'y glisse une fois, il est très difficile d'y remédier, la coutume dans tout ce qui va au relâchement, se tournant bientôt en habitude. Je ne vous dis rien en ceci que je n'ai vu, que je n'ai remarqué, et dont je n'ai conféré avec des personnes doctes et saintes, qui ont fort considéré ce qui était le plus propre pour l'avancement de la perfection de cette maison. De l'autorité des supérieurs. Entre les inconvénients qui peuvent arriver, comme ils s'en rencontrent toujours partout durant cette vie, il me semble que le moindre, est qu'il n'y ait point de vicaire ni de confesseur qui ait le pouvoir d'entrer, de commander et de sortir, mais seulement de veiller et de prendre garde à ce que la maison soit dans le recueillement, que toute chose s'y fasse avec bienséance, et que l'on y avance intérieurement et extérieurement dans la pratique de la vertu, afin que s'il trouve que l'on y manque, il en informe l'évêque, mais qu'il ne soit pas supérieur. C'est ce qui s'observe maintenant ici, non par mon seul avis, mais par celui de Monseigneur Dom Alvar et de Mendes, maintenant notre évêque est sous la conduite duquel nous sommes, personne de très grande naissance, grand serviteur de Dieu, très affectionné à toutes les religions, et à toutes les choses de piété, et qui se porte avec une inclination très particulière à favoriser cette maison. Qui, pour plusieurs raisons, n'est point encore soumise à l'ordre. Ayant fait assembler sur ce sujet des hommes savants, spirituels et de grande expérience. Ils résolurent ce que j'ai dit ensuite de beaucoup de prières de plusieurs personnes, auxquelles, toute misérable que je suis, je joignis les miennes. Ainsi il est juste qu'à l'avenir, les supérieurs se conforment à cet avis, puisque c'est celui auquel tant de gens de bien se sont portés, après avoir demandé à Dieu de leur donner la lumière nécessaire pour connaître ce qui serait meilleur, comme il est sans doute selon ce qui a paru jusqu'ici, et je le prie de faire que cela continue toujours, pourvu que ce soit pour sa gloire. Ainsi soit-il. Chapitre 6. De l'amour spirituel que l'on doit avoir pour Dieu, et pour ceux qui peuvent contribuer à notre salut. Quoique j'aie fait une grande digression, ce que j'ai dit est si important, que ceux qui en comprendront bien la conséquence ne m'en blâmeront pas, j'en suis assuré. De l'amour de Dieu, qui est tout spirituel. Je reviens maintenant à cet amour qui ne nous est seulement pas permis d'avoir, mais qu'il est utile que nous ayons. Je dis qu'il est purement spirituel, et cependant je doute si je dois le nommer ainsi. Il me semble qu'il n'est pas nécessaire d'en parler beaucoup, dans la crainte que j'ai que peu d'entre vous le possèdent, et s'il y en a quelqu'une que notre Seigneur favorise d'une telle grâce, elle l'en doit beaucoup louer, parce qu'un si grand don sera sans doute accompagné d'une très grande perfection. Je veux néanmoins vous en dire quelque chose, qui pourra peut-être servir, à cause que ceux qui désirent d'acquérir la vertu, s'y affectionnent lorsqu'on l'expose devant leurs yeux. J'avoue que je ne sais comment je m'engage à parler de ce sujet, dans la créance que j'ai de ne pas bien discerner ni ce qui est spirituel, ni quand la sensualité s'y mêle. Dieu veuille, s'il lui plaît, me le faire connaître, et me rendre capable de l'expliquer. Je ressemble à ces personnes qui entendent parler de loi sans savoir voir ce que l'on dit, car quelquefois je n'entends pas moi-même ce que je dis, et Dieu fait pourtant que je dis bien. D'autres fois ce que je dis est impertinent, et c'est ce qui m'est le plus ordinaire. Il me semble que lorsque Dieu fait connaître clairement à une personne ce que c'est que ce monde, qu'il y a un autre monde, la différence qu'il se trouve entre eux, que l'un passe comme un songe, et que l'autre est éternel, ce que c'est que la créature, quel bonheur c'est d'aimer l'un, et quel malheur c'est d'aimer l'autre, il me semble, dis-je, que lorsque cette personne connaît toutes ces vérités et plusieurs autres que Dieu enseigne avec certitude à ceux qui se laissent conduire par lui dans leur raison, et qu'elle le connaît par expérience, et par un vrai sentiment du cœur, ce qui est bien différent de le croire seulement et de le penser, cette personne l'aime sans doute d'une manière tout autre que nous, qui ne sommes pas encore arrivés à cet état. Il vous paraîtra peut-être, mes sœurs, que c'est inutilement que je vous parle de la sorte, et que je ne dis rien que vous ne sachiez. Je prie Dieu de tout mon cœur que cela se trouve véritable, et que le sachant aussi bien que je le souhaite, vous le graviez profondément dans votre cœur. Que si vous le savez en effet, vous savez donc que je ne mens pas, lorsque je dis que ceux à qui Dieu a fait cette grâce, et à qui il donne cet amour, sont des âmes généreuses et toutes royales. Ainsi, quelque belles que soient les créatures, de quelque grâce qu'elles soient ornées, quoi qu'elles plaisent à nos yeux, et nous donnent sujet de louer celui qui, en les créant, les a rendues si agréables, ces personnes favorisées de Dieu ne s'y arrêtent pas, de telle sorte que cela passe jusqu'à y attacher leur affection, parce qu'il leur semble que ce serait aimer une chose de néant, et comme embrasser une ombre, ce qui leur donnerait une si grande confusion, qu'elle ne pourrait, sans rougir de honte, dire après cela à Dieu, qu'elle aime. N'aimez que ceux qui savent contribuer à notre salut. Vous me direz peut-être que ces personnes ne savent pas ce que c'est que d'aimer et de répondre à l'amitié qu'on leur porte. Je réponds qu'au moins se soucie-t-elle peu d'être aimée, et quoique d'abord la nature les fasse quelquefois se réjouir de voir qu'on les aime, elle ne rentre pas plutôt en elle-même, qu'elles connaissent que ce n'est qu'une folie, excepté aux yeux de ceux qui peuvent contribuer à leur salut par leur prière ou par leur doctrine, toutes les affections les lassent et les ennuient. Parce qu'elles savent qu'elles ne leur peuvent profiter de rien, et qu'elles seraient capables de leur nuire. Elles ne laissent pas d'en savoir gré, et de payer cet amour en recommandant à Dieu ceux qui les aiment, car elles considèrent l'affection de ces personnes comme une dette dont notre Seigneur est chargé, parce que ne voyant rien en elles-mêmes qui mérite d'être aimées, elles croient qu'on ne les aime qu'à cause que Dieu les aime. Ainsi elles lui laissent le soin de me payer cet amour qu'on a pour URL, et en le priant de tout leur cœur, elles s'en croient déchargées, et demeurent aussi tranquilles que si cette affection ne les touchait point. Ces considérations me font penser quelquefois, qu'il y a beaucoup d'aveuglement dans ce désir d'être aimé, si ce n'est, comme je l'ai dit, de ceux qui peuvent nous aider à acquérir les biens éternels. Sur quoi il faut remarquer qu'au lieu, que dans l'amour du monde nous n'aimons jamais, sans qu'il y entre quelque intérêt d'utilité ou de plaisir, au contraire, ces personnes si parfaites foulent aux pieds, tout le bien qu'on pourrait leur faire, et toute la satisfaction qu'on leur pourrait donner dans le monde, leur âme étant disposée de telle sorte, que quand, pour parler ainsi, elles le voudraient, elles n'en sauraient trouver qu'en Dieu aidant. Les entretiens dont lui seul est tout le sujet. Comme elles ne comprennent point quel avantage, elles pourraient retirer d'être aimées, elles se soucient peu de l'être, et sont si persuadées de cette vérité, qu'elles se rient en elles-mêmes de la peine où elles étaient autrefois de savoir, si l'on récompensait leur affection par une égale affection. Ce n'est pas qu'il ne soit, it fort naturel, même dans l'amour honnête et permis, de vouloir qu'on nous aime quand nous aimons, mais, lorsqu'on nous a payé en cette monnaie, qui nous paraissait si précieuse, nous découvrons qu'on ne nous a donné, que des pailles que le vent emporte, car, quoique l'on nous aime beaucoup, qu'est-ce qu'à la fin il nous en reste? C'est ce qui me fait dire que ces grandes âmes, ne se soucient pas plus de n'être pas aimées que de l'être, si ce n'est de ceux qui peuvent contribuer à leur salut, et dont encore elles ne sont bien aises d'être aimées, qu'à cause qu'elles savent que le naturel de l'homme, et de se lasser bientôt de tout, s'il n'est soutenu par l'amour. Que s'il vous semble que ces personnes n'aiment donc rien, sinon Dieu, je vous réponds qu'elles aiment aussi leur prochain, et d'un amour plus véritable et plus utile, et même plus grand que ne font les autres, parce qu'elles aiment toujours beaucoup mieux, même à l'égard de Dieu, donner que recevoir. C'est à cet amour qu'il est juste de donner le nom d'amour, et non pas à ces basses affections de la terre qu'il usurpe si injustement. Que si vous me demandez à quoi ces personnes peuvent donc s'affectionner, si elles n'aiment pas ce qu'elles voient, je réponds qu'elles aiment ce qu'elles voient, et s'affectionnent à ce qu'elles entendent, mais les choses qu'elles voient et qu'elles entendent, sont permanentes et passagères. Ainsi, sans s'arrêter au corps, elles attachent les yeux sur les âmes, pour connaître s'il y a quelque chose en elles qui mérite d'être aimé, et quand elles n'y remarqueraient, que quelques dispositions au bien, qui leur donnent sujet de croire que, pourvu qu'elles approfondissent cette mine, elles y trouveront de l'or, elles s'y affectionnent, et il n'y a ni peine, ni difficulté qui les empêche de travailler de tout leur pouvoir à faire leur bonheur. Parce qu'elles désirent de continuer à les aimer, ce qui leur serait impossible, si elles n'avaient de la vertu et n'aimaient beaucoup Dieu. Je dis impossible, car encore que ces personnes aient un ardent amour pour elles, qu'elles les comblent de bienfaits, qu'elles leur rendent dans tous les offices imaginables, et que même elles soient ornées de toutes les grâces de la nature, ces âmes saintes ne sauraient se résoudre, par ces seules considérations, à les aimer d'un amour ferme et durable. Elles connaissent trop le peu de valeur de toutes les choses d'ici-bas pour pouvoir être trompées. Elles savent que ces personnes ont des sentiments différents des leurs, et qu'ainsi cette amitié ne saurait durer, parce que n'étant pas également fondée sur l'amour de Dieu et de ses commandements, il faut, de nécessité, qu'elles se terminent avec la vie, et qu'en se séparant par la mort, l'un aille d'un côté, et l'autre d'un autre. Ainsi, l'âme à qui Dieu a donné une véritable sagesse, au lieu de trop estimer cette amitié qui finit avec la vie, l'estime moins qu'elle ne mérite. Elle ne peut être désirée que par ceux qui, étant enchantés des plaisirs, des honneurs et des richesses passagères, sont bien aises de trouver des personnes riches, qui les satisfassent dans leur malheureux divertissement. Si donc ces âmes parfaites ont quelque amitié pour une personne, ce n'est que pour la porter à aimer Dieu, afin de pouvoir ensuite l'aimer, sachant, comme je l'ai dit, que si elles aimaient d'une autre sorte, cette amitié ne durerait pas, et leur serait préjudiciable. C'est pourquoi elles n'oublient rien pour tâcher de leur être utiles, et elle donnerait mille vies pour leur procurer un peu de vertu. Ô amour sans prix, que vous imitez heureusement l'amour de Jésus, qui est tout ensemble notre bien et l'exemple du parfait amour. Chapitre 7. Des qualités admirables de l'amour spirituel, que les personnes saintes ont pour les âmes à qui Dieu les lie. Quel bonheur c'est que d'avoir part à leur amitié. De la compassion que les âmes, même les plus parfaites, doivent avoir pour les faiblesses d'autrui. Divers avis touchant la manière dont les religieuses doivent se conduire, et avec quelle promptitude et sévérité, il faut réprimer les désirs d'honneur et de préférence. De l'amour spirituel qu'on a pour les âmes. C'est une chose incroyable que la véhémence de cet amour qu'on a pour une âme, que de larmes il fait répandre, que de pénitence il produit, que de raisons il fait adresser à Dieu, que de soins il fait prendre de la recommander aux prières des gens de bien. Quel désir n'a-t-on point de la voir avancer dans la vertu, quelle douleur ne ressent-on point lorsqu'elle n'avance pas? Que si, après s'être avancée, elle recule, il semble qu'on ne puisse plus goûter aucun plaisir dans la vie, on perd l'appétit et le sommeil, on est dans une peine continuelle, on tremble par l'appréhension que cette âme ne se perde, et ne se sépare de nous pour jamais. Car, pour la mort du corps, ces personnes embrasées de la charité ne la considèrent point, tant elles sont éloignées de s'attacher à une chose qui échappe des mains, comme une feuille que le moindre vent emporte. C'est là ce qu'on peut nommer, comme je l'ai dit, un amour entièrement désintéressé, puisqu'il ne prétend et ne désire que de voir cette âme devenir riche des biens du ciel. C'est là ce qui mérite de porter le nom d'amour, et non pas ces malheureux amours du monde, par lesquels je n'entends point ces amours criminels et impudiques, dont le nom seul nous doit faire horreur. Car pourquoi me tourmenterais-je à déclamer contre une chose qui peut passer pour un enfer, et dont le moindre mal est si grand, qu'on ne saurait trop l'exagérer? Nous ne devons jamais, mes sœurs, proférer seulement le nom de ce malheureux amour, ni penser qu'il y en ait dans le monde, ni en entendre parler, soit sérieusement ou en riant, ni souffrir que l'on s'entretienne de semblables folies en notre présence, cela ne pouvant jamais nous servir et nous pouvant beaucoup nuire, mais j'entends parler de cet autre amour qui est permis, de l'amour que nous nous portons les unes aux autres, et de celui que nous avons pour nos parents et pour nos amis. Ce dernier amour nous met dans une appréhension continuelle de perdre la personne que nous aimons. Elle ne peut avoir seulement mal à la tête, que notre âme n'en soit touchée de douleur, elle ne peut souffrir la moindre peine, sans que nous ne perdions presque patience, et ainsi de tout le reste. Mais il n'en va pas de même de cet autre amour qui est tout de charité, car encore que notre infirmité nous rende sensibles aux maux de la personne que nous aimons, notre raison vient aussitôt à notre secours, et nous fait considérer s'ils sont utiles à son salut, s'il la fortifie dans la vertu, et de quelle manière elle les supporte. On prie Dieu ensuite de lui donner la patience dont elle a besoin, afin que ses souffrances lui acquièrent des mérites et lui profitent. Que si on voit qu'il la lui donne, la peine que l'on avait se change en consolation et en joie, quoique l'affection qu'on lui porte fasse, que l'on aimerait mieux souffrir que de la voir souffrir, si on pouvait, en souffrant pour elle, lui acquérir. Er le mérite qui se rencontre dans la souffrance, mais cela se passe sans en ressentir ni trouble, ni inquiétude. Je redis encore qu'il semble que l'amour de ces saintes âmes imite celui que Jésus, le grand modèle du parfait amour, nous a porté, puisqu'elle voudrait pouvoir prendre pour elle toutes ses peines, et que ces personnes en profitassent sans les souffrir. Ce qui rend leur amitié si avantageuse, que ceux qui ont le bonheur d'y avoir part ont sujet d'y croire, ou qu'elles cesseront de les aimer de la sorte, ou qu'elles obtiendront de notre Seigneur qu'ils les suivent dans le chemin qui les menait au ciel, ainsi que sainte Monique obtint de lui cette grâce pour saint Augustin, son fils. Ces âmes parfaites ne peuvent user d'aucun artifice avec les personnes qu'elles aiment, ni dissimuler leurs fautes, si elles jugent qu'il soit utile de les en reprendre. Ainsi elle n'y manque jamais, tant elle désire de les voir devenir riches en vertu. Combien de tours et de retours font-elles pour ce sujet, quoiqu'elles soient si peu occupées du soin de toutes les choses du monde. Et elles ne sauraient faire autrement, elles ne savent ni déguiser ni flatter, il faut que ces personnes se corrigent, ou qu'elles se séparent de leur amitié, parce qu'elles ne peuvent ni ne doivent souffrir la continuation de leurs défauts. Ainsi, cette affection produit entre eux une guerre continuelle, car bien que ces âmes vraiment charitables, et détachées de toutes les choses de la terre, ne prennent pas garde si les autres servent Dieu, mais veillent seulement sur elles-mêmes, elles ne peuvent vivre dans cette indifférence pour ces personnes à qui Dieu les a liées, elles voient en elles jusqu'aux moindres atomes, elles ne laissent rien passer sans le leur dire. Et portent ainsi pour l'amour d'elles une croix merveilleusement pesante. Heureux sont ceux qui sont aimés de ces âmes saintes, et qu'ils ont sujet de bénir le jour que Dieu leur a donné leur connaissance. Ô mon Seigneur et mon Dieu, voudriez-vous bien me faire tant de faveurs que plusieurs m'aimassent de la sorte? Je préférerais ce bonheur à l'amitié de tous les rois, et de tous les monarques de la terre, et certes avec raison, puisque ces amis incomparables, n'oublient aucun de tous les moyens qu'on se peut imaginer pour nous rendre les maîtres du monde, en nous assujettissant tout ce qui est dans le monde. Lorsque vous rencontrerez, mes sœurs, quelques-unes de ces âmes, il n'y a point de soin que la supérieure ne doive apporter pour faire qu'elles traitent avec vous, et ne craignez pas de les trop aimer si elles sont telles que je dis, mais il y en a peu de la sorte, et quand il s'en trouve quelques-unes, la bonté de Dieu est si grande, qu'il permet qu'on les connaisse. Je prévois que l'on vous dira, que cela n'est point nécessaire, et que Dieu nous doit suffire, je vous assure, au contraire, que c'est un excellent moyen de posséder Dieu, que de traiter avec ses amis. Je sais par expérience l'avantage que l'on en reçoit, et je dois, après Dieu, à de semblables personnes la grâce qu'il m'a faite de ne pas tomber dans l'enfer, car je n'ai jamais été sans un extrême désir, qu'il me recommandasse à notre Seigneur, et je les en priais toujours avec instance. Compassion que l'on doit avoir des faibles. Mais il faut revenir à mon sujet. Cette manière d'aimer est celle que je souhaite que nous pratiquions, et quoique d'abord elle ne soit pas si parfaite, notre Seigneur fera qu'elle le deviendra de plus en plus. Commençons par ce qui est proportionné à nos forces, bien qu'il s'y rencontre un peu de tendresse, elle ne saurait faire de mauvais effets, pourvu qu'elle ne soit qu'en général. Il est même quelquefois nécessaire d'en témoigner et d'en avoir, en compatissant aux peines et aux infirmités des sœurs, quoique petites, parce qu'il arrive assez souvent, qu'une occasion fort légère donne autant de peine à une personne qu'une fort considérable en donne à une autre. Peu de chose est capable de tourmenter ceux qui sont faibles, et si vous vous rencontrez être plus forte, vous ne devez pas laisser d'avoir pitié de leur peine, ni même vous en étonner, puisque le diable a peut-être fait de plus grands efforts contre elles, que ceux dont il s'est servi pour vous faire souffrir des peines plus grandes. Que savez-vous? Eussent aussi si notre Seigneur ne vous en réserve point de semblables en d'autres rencontres, et si celles qui vous semblent fort rudes, et qui le sont en effet, ne paraissent pas légères à d'autres? Ainsi nous ne devons point juger des autres par l'état où nous nous trouvons, ni nous considérer selon le temps présent, auquel Dieu par sa grâce, et peut-être sans que nous y ayons travaillé, nous aura rendu plus fortes, mais selon le temps où nous avons été les plus lâches et les plus faibles. Cet avis est fort utile pour apprendre à compatir aux travaux de notre prochain, quelque petit qu'il soit, et il est encore plus nécessaire pour ces âmes fortes dont j'ai parlé, parce que les désirs qu'elles ont de souffrir leur fait estimer les souffrances peu considérables, au lieu qu'elles doivent se souvenir du temps qu'elles étaient encore faibles, et reconnaître que leur force vient de Dieu seul, et non d'elles-mêmes. Puisqu'autrement le démon pourrait refroidir en elles la charité envers le prochain, et leur faire prendre pour perfection, ce qui en effet serait une faute. Vous voyez par là, mes filles, qu'il faut continuellement veiller, et se tenir sur ses gardes, puisque cet ennemi de notre salut ne s'endort jamais, et celles qui aspirent à une plus grande perfection, y sont encore plus obligées que les autres, parce que n'osant pas les tenter grossièrement, il emploie contre elle tant d'artifices à moins d'être dans un soin continuel de s'en garantir, elle ne découvre le péril qu'après y être tombée. Je leur dis donc encore une fois qu'il faut toujours veiller et prier, puisque l'oraison est le meilleur de tous les moyens pour découvrir les embûches de cet esprit de ténèbres et le mettre en fuite. Lorsque dans le besoin de faire la récréation, les sœurs sont assemblées pour ce sujet, demeurez également pendant tout le temps qu'elle doit durer, quoique vous n'y preniez pas grand plaisir, vous souvenant que, pourvu que vous vous conduisiez sagement et avec une bonne intention, tout deviendra un parfait amour. Je voulais traiter de celui qui ne l'est pas, mais il n'est pas à propos que nous l'ayons dans cette maison, puisque, si c'est pour en faire un bon usage, il faut, comme je l'ai dit, le ramener à son principe, qui est l'amour parfait. Ainsi, quoique j'eusse dessein d'en beaucoup parler, il me semble, après y avoir bien pensé, que, vu la manière dont nous vivons, il doit être banni d'entre nous. Je n'en dirai donc pas davantage, et j'espère, avec la grâce de notre Seigneur, que nous ne nous porterons, dans ce monastère, à ne nous aimer qu'en cette manière, puisque c'est sans doute la plus pure, quoique nous ne le fassions pas peut-être, avec toute la perfection que l'on pourrait désirer. J'approuve fort que vous ayez compassion des infirmités les unes des autres, mais prenez garde que ce soit avec la discrétion nécessaire, et sans manquer à l'obéissance. Divers excellents avis. Quoique ce que la supérieure vous commandera de faire vous semble rude, n'en témoignez rien, si ce n'est à elle-même, et avec humilité, parce que, si vous en usiez autrement, vous nuiriez beaucoup à toutes vos sœurs. Il importe de savoir quelles sont les choses que l'on doit sentir, et en quoi l'on doit avoir compassion de ses sœurs. Il faut toujours être fort touché des moindres fautes qu'on leur voit faire, si elles sont manifestes, et l'on ne saurait mieux leur témoigner l'amour qu'on leur porte, qu'en les souffrant et ne s'en étonnant pas, ce qui fera qu'elles supporteront aussi les vôtres, qui, bien que vous ne vous en aperceviez point, sont sans doute en plus grand nombre. Vous devez aussi fort recommander ces personnes à Dieu, et tâcher de pratiquer avec une grande perfection, les vertus contraires aux défauts que vous remarquez en elles, parce que vous devez beaucoup plus tôt, vous efforcer de les instruire par vos actions que par vos paroles, elles ne les comprendraient peut-être pas bien, ou elles ne leur profiteraient pas, non plus que d'autres châtiments, dont on pourrait se servir pour les corriger. Au lieu que cette imitation des vertus, que l'on voit briller dans les autres, fait une si forte impression dans l'esprit, qu'il est difficile qu'elle s'en efface, cet avis est si utile, que l'on ne saurait trop s'en souvenir. Oh, que l'amitié d'une religieuse qui profite à toutes ses sœurs, en préférant leurs intérêts aux siens propres, en s'avançant sans cesse dans la vertu, et en observant la règle avec une grande perfection, est une amitié véritable et avantageuse. Elle vaut mille fois mieux que celle que l'on témoigne par ses paroles de tendresse, dont on use et dont on ne doit jamais user en cette maison, ma vie, mon âme, mon bien, et autres semblables. Il faut les réserver pour votre divin époux. Vous avez tant de temps à passer seuls avec lui seul, qu'elles vous seront nécessaires, et elles ne lui seront pas désagréables, au lieu que si vous vous en serviez entre vous, elle ne vous attendrirait pas tant le cœur, quand vous vous en servirez avec lui, et qu'ainsi c'est le seul usage que vous devez en faire. Je sais que c'est un langage fort ordinaire entre les femmes, mais je ne puis souffrir que vous passiez pour des femmes en quoi que ce soit, je vous souhaite aussi fort que les hommes les plus forts, et si vous faites ce qui est en vous, je vous assure que notre Seigneur vous rendra si forte, que les hommes s'en étonneront, car cela n'est-il pas facile à celui qui nous a tous tirés du néant? C'est aussi une excellente marque d'une véritable amitié de s'efforcer de décharger les autres de leur travail dans les offices du monastère, en s'en chargeant au lieu d'elles, et de louer beaucoup Dieu de leur avancement dans la vertu. Que la division est une peste dans les monastères. Ces pratiques, outre le grand bien qu'elles produisent, contribuent beaucoup à la paix et à la conformité qui doit être entre les sœurs, ainsi que, par la miséricorde de Dieu, nous le connaissons par expérience. Je prie sa divine majesté, que cela aille toujours croissant. Ce serait une chose bien terrible si le contraire arrivait, car qu'y aurait-il de plus déplorable qu'étant en si petit nombre, nous ne fussions très unis? Ne le permettez pas, mon Dieu, et comment un si grand malheur pourrait-il nous arriver sans anéantir tout le bien que vous avez fait dans cette maison? S'il échappait quelque petite parole, qui fût contraire à la charité, ou qu'on vit quelque parti se former, ou quelque désir de préférence, ou quelque pointillé d'honneur, il faut y remédier alors même, et faire beaucoup de prières. J'avoue que je ne saurais écrire ceci sans que la pensée que cela pourrait arriver un jour me touche si sensiblement, que je sens, ce me semble, mon sang se glacer, parce que c'est l'un des plus grands maux qui puisse se glisser dans les monastères. Que si vous tombez jamais dans un tel malheur, tenez-vous, mes sœurs, pour perdues, croyez que vous avez chassé votre divin époux de sa maison, et qu'ainsi vous le contraignez, en quelque sorte, d'en aller chercher une autre. Implorez son secours par vos cris et par vos gémissements, travaillez de tout votre pouvoir pour trouver quelque remède à un si grand mal, et si vos confessions et vos communions fréquentes n'y en peuvent apporter, craignez qu'il n'y ait parmi vous quelque Judas. Je conjure, au nom de Dieu, la prieure de prendre extrêmement garde à n'y point donner lieu, et de travailler avec grand soin à arrêter, dès le commencement, ce désordre, car si l'on y remédie d'abord, il deviendra sans remède. Quant à celle qui sera cause du trouble, il faut la renvoyer en un autre monastère, et Dieu sans doute vous donnera le moyen de l'adopter. Il faut chasser bien loin ces pestes, il faut couper les rameaux de cette plante vénéneuse, et si cela ne suffit pas, il faut en arracher les racines. Que si tout ce que je viens de dire est inutile, il faut la renfermer dans une prison d'où elle ne sorte jamais, puisqu'il vaut beaucoup mieux la traiter avec cette juste sévérité, que de souffrir qu'elle empoisonne toutes les autres. Oh, que ce mal est effroyable! Dieu nous garde, s'il lui plaît, d'être jamais dans un monastère où il ait pu se glisser. J'aimerais beaucoup mieux voir le feu réduire en cendres celui-ci, et nous y consumer toutes. Mais parce que je me propose de parler de cela plus au long ailleurs, je n'en dirai pas davantage maintenant, et je me contenterai d'ajouter, qu'encore que cette amitié accompagnée de tendresse, ne soit pas si parfaite que l'amour dont j'ai parlé, j'aime mieux que vous l'ayez, pourvu que ce ne soit qu'en commun, que d'y avoir entre vous la moindre division. Je prie notre Seigneur, par son extrême bonté, de ne le point permettre jamais, et vous lui devez fortement demander, mes sœurs, qu'il nous délivre d'une telle peine, puisque lui seul nous peut faire cette grâce.